Moi, quand je vous dis, tout dépend de vous autres. Mais vous réalisez pas ça, vous autres, tant que vous avez pas suffisamment pâti. Toi, tu commences à comprendre ça? Cette semaine? Ouais. Je m'en allais, je cherchais une machine à Saint-Blast. Là, je me suis arrêté une fois, j'ai dit, ah, ben, crème. Si mon âme veut, j'en ai une. T'arrangeras pour la trouver, tu me la donneras. Je ne peux plus, c'est fini. Ouais. En disant ça, ouais, grand coup dans l'estomac. Tu sais, à quel point je me laisse, c'était quoi? J'allais à ma femme le soir, je me demande un ajusteur, mais c'était quoi la fin? Il dit, tu viens de recevoir, t'as senti la pénétration de la vibration. Et quand enfin, t'as dit à ton âme, occupe-toi-en. De cette affaire-là, là, ouais. Pas à l'acheteur, mais à ton âme, ouais. Il dit la vibration est rentrée. Ce que tu as senti, c'est la pénétration. Ouais. Il dit, comme ça, la vibration a passé, elle est partie. Il dit, non, il dit, elle est rentrée dans toi, tu l'as assimilée aussitôt, et tu as senti la pénétration. Ouais. Ça a donné un grand coup. Ouais. Comme un doigt qui rentre, là, ouais. Ça fait bien chaud après, ouais. Parler un peu. Ouais. Dit, ça, l'enfant, elle t'a donné la responsabilité à l'âme, mais non à l'ajusteur. Ouais. Oh, c'est bien subtil, ça. Ça, c'est bien. Je suis content que tu parles de ça. Je m'en fiche, j'imagine. C'est bien subtil, ça. Mais là, j'ai chaud, je vais arrêter. Maman, parler de ça. On prend-tu un petit peu d'air? Oui. Bien.